même pas des pompiers. Ils viennent toujours avec leur lance d'incendie. Les pompiers, j'aime pas les pompiers. Ils viennent toujours avec leur grosse voiture rouge. Les pompiers, j'aime pas les pompiers. Ils sont un peu mongols. Les pompiers, j'aime pas les pompiers. Ils viennent toujours quand le feu est terminé.